Chapitre 34e. Lorsque Julien, fort inquiet de cette convocation, arriva au château, il fut introduit près de Lucile. Tel était l'ordre du marquis. À sa vue, la jeune fille pâlit et ne put réprimer un mouvement de honte, mais elle se remit aussitôt et, sans parler, lui présenta ses tablettes. Julien comprit. Humblement incliné, il attendit ce que Lucile allait lui annoncer. « Mon père veut que je vous épouse, » dit-elle après un silence d'un instant. « Vous savez combien ce mariage est impossible. « Vous ?» fit Julien en regardant la jeune fille. Il croyait avoir mal entendu. « Oui, c'est près de moi que vous avez perdu cet objet. » Présange s'inclina et mit un genou en terre devant Lucile. Ses yeux débordèrent de larmes d'admiration. « Je vous écoute, » dit-il, « et je vous vénère. » Elle le releva d'un geste plein de fierté. « Mon père veut que je vous épouse, » dit-elle, « et moi je ne le veux pas. Quelles vont être les conséquences de ce refus ?» Julien haussa les épaules. « Qu'importe, » dit-il. « Il importe, monsieur, que ma mère ne souffre pas une seule douleur qui pourrait lui être épargnée. » Le jeune homme regarda Lucile et comprit que jusqu'alors, il n'avait pas connu l'amour filial. « Eh bien, mademoiselle, votre père ou votre frère me provoquera en duel et je serai tué, voilà tout. » Lucile frissonna. L'idée de la mort est toujours odieuse. Celle de la mort de Julien était plus douloureuse que tout autre. Malgré le rôle horrible que ce jeune homme jouait dans sa vie, elle ne pouvait s'empêcher de lui être sympathique. Au théâtre et dans le roman, on prend subitement en haine tel ou tel individu parce que la morale l'exige. Mais dans la vie réelle, on ne passe pas ainsi sans hésitation, sans déchirement, de la sympathie à l'aversion, de l'amour à la haine. Lucile avait chéri Julien pendant 3 ans de toute la tendresse résignée d'une âme sans espoir. Son ignorance du mal était telle qu'elle avait pris sur elle la faute de sa mère sans même savoir ce que c'était qu'une faute. Pourquoi eut-elle haï Julien ? Elle sentait entre eux un gouffre infranchissable. C'était tout, elle ne voulait pas regarder au-delà. « Cela ne se peut pas, » dit-elle après un silence. « Il ne faut pas que vous mouriez. » « Je ne puis ni ne veux vivre, » murmura Julien. « Et moi ?» fit Lucile d'une voix contenue. « Je ne veux pas que vous mettiez un remords de plus dans la vie de ma mère. » Julien baissa la tête. Il se sentait vaincu par cet enfant. « Que faut-il que je fasse ? » dit-il anéanti. « Partir. Partir sur le champ pour jamais. » « C'est la conduite d'un lâche, » s'écria Julien. « C'est l'expiation d'une faute, » répondit Lucile, transfigurée par la tâche surhumaine qu'elle avait entreprise. « On ne me donnera pas le temps de partir. Ceci me regarde, » répliqua la jeune fille. « C'est sans doute mon frère qui sera chargé de vous voir. Je lui parlerai. » Julien garda le silence. Ce qu'elle exigeait de lui était bien dur. C'était certainement la première fois que pareille proposition était faite à un gentilhomme. Il eût 100 fois préféré une mort immédiate à ce semblant de lâcheté. Mais Lucile l'avait dit, il n'avait pas le droit de mettre un remords de plus dans la vie de la marquise. Il songea alors au sort de celle qui s'était dévouée pour eux, à l'avenir qu'elle s'était préparée, au présent, à ce qu'allait suivre son départ. « Et vous ? » dit-il. « Vous, qu'allez-vous devenir ?»« Ce qu'il plaira à Dieu, » répondit-elle simplement. Confondu par tant de noblesse et de résignation, Julien sentit quelque chose qui ressemblait fort à un regret pénétré au fond de son âme. Là était le bonheur. Ce cœur de femme pur et fort qui planait au-dessus de toutes les faiblesses eût pu être son partage, il le sentait. Que n'avait-il su vaincre sa passion coupable? Il eût apporté la joie et la paix là où sa présence n'avait semé que la honte et le déshonneur. « Que Dieu vous protège, » dit-il en s'inclinant une dernière fois devant cette vierge martyre dont il était le bourreau. « Je pars pour toujours. » Elle eût voulu accompagner ce jeune homme d'un souhait de paix. Elle sentit que c'était impossible, et les yeux baissés, elle attendit que la porte se fût refermée sur lui. Le galop du cheval noir retentit au dehors, elle étouffa un sanglot. « Quel malheur !» se dit-elle. Elle n'osa rien ajouter à sa pensée, et refoulant son chagrin, essuyant une larme furtive avec sa main, elle attendit ce qui allait suivre. L'instant d'après, le marquis, étonné du départ de Julien, plus étonné de ne voir pas sa fille, entra dans le salon. Sa femme l'accompagnait. Elle avait retrouvé des forces pour suivre les phases de ce désastre. « Eh bien ?» fit le marquis de sa voix la plus sévère. Lucile regarda son père et se dit intérieurement qu'elle allait lui porter un coup terrible, mais la vue de sa mère ranima son courage. J'ai dit à monsieur de Présange, fit-elle d'une voix ferme, que je ne pouvais ni ne voulais l'épouser. Le marquis recula d'un pas. Comment? Après ce qui s'est passé entre vous? La marquise se jeta entre lui et sa fille comme pour la défendre. J'ai interrogé mon cœur, dit Lucile avec assurance. Je ne l'aime pas. Et vous êtes déshonoré? S'écria le père en courroux. Fille sans pudeur, je vous maudis! Il s'avançait, le bras levé, prêt à frapper. Gabriel lui barra le passage et Lucile quitta le salon. Ah, marquise! S'écria le père au désespoir, passant sans transition de la colère à la douleur la plus profonde. Que nous sommes malheureux! Il se laissa tomber dans un fauteuil et prit la main de Gabriel. C'est ma faute, dit-il en pleurant de rage et de chagrin. C'est Dieu qui me punit d'avoir abandonné mon foyer, mon fils joueur, ma fille dépravée, c'est là le châtiment qui t'est réservé à mes débordements. Pauvre chère femme, que je vous ai fait souffrir, et que vous avez le droit de me maudire. Gabriel essayait vainement d'échapper à l'étreinte de son mari. Il couvrait ses mains de baisers et de larmes. Sous le coup qui la frappait, cette nature jusqu'alors insouciante et heureuse cherchait à se rattacher à quelques souvenirs affectueux et ne pouvait supporter de se voir délaissée par tout ce qui avait été sa joie et sa prospérité. « Oui, continua-t-il, j'étais un mauvais époux, un mauvais père. Mes méchants instincts se retrouvent dans mes enfants. Vous, ma sainte femme, vous avez gardé l'honneur de mon foyer, vous seul. Non !» s'écria Gabriel en s'arrachant enfin à la main du marquis. « Non ! C'est un mensonge horrible, une hypocrisie honteuse. Vos enfants sont les plus purs, les meilleurs enfants de la terre. » Moret se leva de tout son haut et jeta sa femme à genoux devant lui, les dents serrées et pâles de rage. « Oui, s'écria-t-elle avec énergie, à genoux devant vous, c'est ma place, car je vous ai trompé, vos enfants ont menti, c'est moi qui suis coupable. »« Malheureuse, fit le marquis, malheureuse. Oh, dit Gabriel, à présent je ne crains plus rien. Je ne demande qu'à mourir. Mais sachez au moins quel cœur ont vos enfants et combien ils ont aimé leur mère. » Cette parole fit tomber comme par enchantement la colère de l'époux offensé. Il trouvait en ses enfants la consolation la plus noble et la plus touchante. Il y voyait une source de joie paternelle qu'il n'avait pas soupçonnée. « Relevez-vous, madame, » dit-il à sa femme, restée à genoux. « Je tuerai votre amant. » Gabriel se releva. Tout lui était désormais indifférent, même Julien. Sa vie était close, et la tombe lui sembla déjà refermée sur elle. D'un pas chancelant, elle rentra dans sa chambre et tomba à genoux devant le crucifix, mais elle ne put prier, car tous les ressorts de son être étaient brisés. Le marquis, resté seul, voulut se mettre à la recherche de sa fille, mais ses jambes ne purent le porter. Il voulut appeler, et sa langue refusa de parler. Une impression de fatigue étrange s'empara de lui et le cloua sur son fauteuil. C'était une attaque de paralysie. Il demeura ainsi quelques minutes, ne pouvant articuler que des sons indistincts. Une porte s'ouvrit, et Lucile se présenta sur le seuil. N'entendant plus de bruit, elle avait cru le salon désert. À la vue de son père, elle réprima un mouvement de frayeur, mais le regard que celui-ci tourna vers elle était suppliant et non pas irrité. Frappée du changement de sa physionomie, elle s'approcha. « Voulez-vous quelque chose, mon père ? » dit-elle sans crainte pour elle-même, mais étrangement agitée par l'expression du visage paternel. Le marquis essaya de parler. Son bredouillement confus le trahit. « Ah ! S'écria Lucile, vous souffrez, et c'est moi, moi seul. » De sa main droite, restée saine, le marquis fit un geste négatif et appela sa fille à lui. Elle vint tout près et s'agenouilla contre son fauteuil, les yeux levés vers lui et pleins de terreur. Il fit un effort violent et réussit à proférer quelques paroles. « Je te bénis, » dit-il, non sans peine, en posant sa main sur la tête de Lucile. « Appelle René. » La jeune fille se hâta de faire venir du secours. Le marquis fut transporté dans sa chambre, et un express alla chercher en même temps un médecin de Paris et le jeune comte. Pendant le temps nécessaire pour aller et revenir, le marquis ne permit pas à sa fille de le quitter. Aussitôt qu'elle n'était pas dans sa chambre, il s'agitait et la demandait par geste, car la parole qu'il avait recouvrée un instant lui avait fait défaut depuis. Il craignait que Lucile n'allât voir sa mère. En effet, elle trouva un moment pour se glisser auprès de Gabriel. Les deux femmes n'avaient pas le temps de parler, et d'ailleurs, qu'aurait-elle pu se dire? Gabriel avait pressenti ce qui s'était passé pendant l'entrevue de sa fille et de Julien. Lucille avait deviné l'aveu de sa mère en voyant l'affection que lui témoignait désormais son père. Des baisers et des larmes, ce fut tout. Et nul langage n'eût pu être plus éloquent. Le médecin arriva dans la nuit en même temps que René. Il déclara que l'attaque de paralysie n'était que partielle et légère. Quelques jours de repos et une médication énergique rendraient au marquis l'usage de ses facultés. Mais de nombreuses précautions et de grands soins seraient nécessaires pendant longtemps. René écoutait avec une attention soutenue. Le messager ne lui avait donné sur l'accident que des renseignements très vagues. Il devinait bien que son généreux mensonge avait été inutile, mais il n'osait interroger personne. Quand il fut seul avec son père, qui avait écarté les assistants, celui-ci tira de dessous son oreiller le petit portefeuille qu'il s'était fait remettre par son valet de chambre et le présenta à René. Le jeune homme l'ouvrit et lut « Julien de Présanges ». Glacé d'effroi, craignant de comprendre, il regarda son père qui saisit le crayon et écrivit au-dessous de ce nom, de l'écriture informe et bizarre des paralytiques, « Tue-le ». « Lui ?» s'écria René. « Lui, Présanges ?» Le marquis fit un signe affirmatif et laissa retomber sa main fatiguée. Peu après, il s'endormit, après avoir regardé René d'un air de commandement. Le jeune homme s'éloigna et chercha un peu de solitude et de repos dans le parc. Il en avait besoin, car son âme était bouleversée jusque dans ses profondeurs les plus reculées. Chapitre 35e. Depuis le jour où il avait sauvé sa mère par un mensonge, René n'avait pas eu d'autre idée que de trouver et tuer celui qu'il avait perdu. Dans sa pensée, cet homme ne pouvait être qu'un esprit vicieux et corrompu, une sorte de serpent tentateur, jaloux du bonheur et de la vertu de la marquise, qui s'était glissé dans son éden. Le nom de Présanges détruisait tout cet échafaudage romanesque. Présanges était jeune, beau cavalier. Il y avait plus de séduction, il y avait un amour partagé et tout changeait de face. Pour que Présanges se fît aimer, il avait fallu que la marquise fût sans défense. René se rappela les longues années de solitude et d'isolement où sa mère avait été privée de ses enfants, et son cœur de fils n'osa plus juger ni condamner. Présanges, son ami, cette vie intime qui avait duré 3 années, cachait un adultère. Les nobles conseils, les leçons de haute morale sorties de cette bouche amie n'étaient-ils que de l'hypocrisie? Servait-il à masquer le vice honteux? Ici encore, René n'osa répondre par une condamnation. Julien pouvait avoir failli, mais il n'était ni vil ni méprisable. L'honneur de Morel se dressa devant René comme la vengeance elle-même. Il fallait, pour laver la tache infligée au blason de Morel, tout le sang de Julien et toutes les larmes de Gabriel. Soit, on lui donnerait cette satisfaction meurtrière. René, résolu, se leva pour retourner au château. Mais en chemin, il rencontra Lucille qui le cherchait et qui profitait du sommeil de leur père pour s'expliquer avec lui. Laissant de côté tout préliminaire, Lucille interpella son frère sur ce qui lui tenait au cœur. « Tu vas te battre avec Julien de Présanges ?» lui dit-elle. « Ah !» fit René surpris. « Tu sais ?»« Oui. Pour tout le monde, tu te battras avec lui parce que j'ai refusé de l'épouser. »« Toi aussi ?» dit René de plus en plus surpris. D'un mot, Lucille le mit au courant. « Mais, » ajouta-t-elle, « peu importe la cause. » Il ne faut pas que tu te battes avec cet homme. Ni toi, ni lui, vous ne devez mourir en cette rencontre. Ce serait odieux. J'espère bien ne pas y mourir, murmura René. C'est qu'en vérité, il n'y aurait plus de justice au ciel. Il ne peut pas mourir non plus, insista Lucille. Que deviendrait-elle si elle apprenait que tu l'as tué? René n'avait pas songé à sa mère. Il n'avait vu que l'honneur du nom. Il essaya d'écarter du geste cette pensée douloureuse. Il faut qu'il meure, dit-il d'un air sombre. Cet homme ne peut pas vivre. Elle en mourra, fit Lucille à voix basse, et c'est toi qui l'auras tué. René exprima d'un geste que ce n'était pas sa faute à lui, mais sa sœur ne se laissa pas arrêter. De quel œil veux-tu qu'elle te voie lorsqu'il y aura entre elle et toi le sang de... Elle ne voulait pas nommer Julien, elle se tut. Faut-il qu'il vive alors? S'écria René avec emportement. Faut-il qu'il traîne avec lui par le monde le souvenir de notre déshonneur? « Ah !» s'écria Lucille à son tour. « Notre déshonneur, comme tu le dis, n'a ni corps ni âme, et sans l'imagination cruelle de cet odieux Robert, ni toi, ni moi, ni personne n'aurait jamais su qu'il exista. » Frappé par cette pensée, René regarda sa sœur. Elle continua. « Notre déshonneur, soit. mais tant que personne n'en avait connaissance, mon père et toi, vous marchiez le front haut. Vous êtes seul à le connaître. Vous avez besoin, paraît-il, de l'apprendre au monde, puisqu'il vous faut la mort d'un homme pour vous satisfaire. Trouverais-tu, par hasard, qu'elle n'est pas assez punie ? Notre père peut en mourir, dit René avec colère. N'est-il pas juste que celui qui le tue disparaisse à son tour ? Alors, fit vivement Lucile, tue Robert, car c'est lui qui a frappé notre père. Robert est un fidèle serviteur, dit René d'un ton soucieux. Il n'a que trop aimé notre maison. Et haï notre mère, interrompit Lucile. Celui-là, tant qu'il vivra, il y aura pour moi quelqu'un de trop sur la terre. Tu le hais à ce point ? Fit René surpris. C'est l'esprit du mal, répondit Lucile. Il fait le mal pour le mal, par haine. Il est plus cruel que la brute. Les bêtes féroces n'attaquent que quand elles ont faim. Le silence régna pendant un moment. René, reprit Lucile, sois généreux. Rappelle-toi combien elle t'a aimé, ce qu'elle a souffert pour toi. Ne lui donne pas de remords superflus. Je ne peux pourtant pas désobéir à notre père, s'écria René. Je ne t'en demande pas tant, continua la jeune fille, mais ne te presse pas, laisse à cet homme le temps de disparaître. Il veut donc s'enfuir, dit René en bondissant. Il me l'a promis, je l'en ai prié. Ah, le lâche ! S'écria le jeune homme en saisissant son épée à son côté. Le lâche, il périra pour sa lâcheté. Et malgré l'appel désespéré de Lucile, René se dirigea en courant vers les écuries. Un instant après, Lucile le vit passer sur la route de Présange. Chapitre 36e. La nuit était tombée lorsque René descendit devant la porte de Julien. Une lumière brillait à une fenêtre du premier étage, indiquant que le jeune homme était chez lui. René fut introduit dans une salle du rez-de-chaussée et, l'instant d'après, Julien parut en sa présence. Les deux jeunes gens restèrent une seconde muets, l'un devant l'autre. Toute l'amitié que René avait ressentie pour Présange lui montait à la tête comme un opprobre à la fois et comme un remords. Maîtrisant à grand-peine une colère que, sans s'en rendre compte, il attisait volontairement en lui-même, il fit un pas vers Julien et jeta son gant sur le parquet à ses pieds. Julien demeura immobile. La lueur d'un candélabre éclairait imparfaitement son visage. Pourtant, le jeune comte y lut, non sans émotion, une douleur mortelle. « Mon père se meurt, monsieur, » dit enfin René d'une voix agitée par mille sentiments complexes, « et c'est vous qui l'avez tué. » Présange baissa la tête. Et lui, qui donc lui porterait le coup mortel, serait ce jeune homme qu'il aimait ? Cependant, il fallait répondre. « Mademoiselle de Morez me hait, » dit-il. « Je vous défends de parler de ma sœur, » cria René d'une voix tonnante. « Ce n'est pas de ma sœur qu'il s'agit. » Julien regarda le jeune homme avec tant de terreur, tant de pitié, que celui-ci sentit sa colère s'agiter en lui comme une flamme sous un vent d'orage. « Finissons-en, » dit-il avec un tremblement dans la voix. « Tous les discours sont inutiles. »« Eh bien, » dit Présange de sa voix calme et triste, « tuez-moi. Vous savez bien que je ne me défendrai pas. » René recula. Dans sa rage, il avait tout prévu, excepté ceci. « Vous êtes donc un lâche, et vous voulez me rabaisser jusqu'à vous ?» Julien secoua mélancoliquement la tête. « Vous ne me mettez pas en colère, » dit-il avec la même tranquillité résignée. « Vous ne pouvez pas supposer que je me battrai avec son fils à elle. »« Taisez-vous !» proféra René en tirant son épée. « Avec son fils à elle, » continua Julien, « elle à qui j'aurais voulu donner le paradis, et à qui je n'ai apporté que l'enfer. Si je me battais avec vous, René, je pourrais me défendre involontairement. Et que serait-ce, grand Dieu ? Si après lui avoir fait verser tant de larmes, je faisais couler le sang de son fils. » Il parlait comme en songe, d'une voix lente et sans inflexion. René eut peur de cette indifférence à toute chose. Vainement, il voulut ranimer la fureur qu'il avait agitée précédemment. Il ne put y réussir. « Cependant, monsieur, reprit-il, vous sentez bien que votre vie... Ma vie est à vous, faites-en ce qu'il vous plaira, » dit Julien, épuisé en se laissant tomber sur une chaise. « Je la lui avais donnée à elle, vous pouvez me la reprendre. Mais pour Dieu, René, qu'elle l'ignore, qu'elle ne vous rende jamais responsable de ma mort. Ne mettez pas de sang dans sa vie. Croyez-moi, elle a assez de remords. N'ajoutez rien à la croix qu'elle porte. » René remit son épée au fourreau sans mot dire et resta morne et muet devant Présange. Vous l'avez aimée ? Continua celui-ci. Vous souvient-il du temps où elle vous disait de ne pas pleurer pour ne pas donner à ceux qui la faisaient souffrir la satisfaction de voir couler ses larmes et les vôtres ? Oui, je sais tout cela. Ajouta-t-il à un mouvement de surprise du jeune homme. Je connais tous ces chagrins, toutes ces angoisses. Quand vous étiez loin, votre sœur absente, votre père... René fit un geste de commandement, Julien baissa la tête. Ce n'est pas à moi de l'accuser, vous avez raison, mais elle était bien malheureuse. Plus malheureuse que vous ne pourriez jamais le croire. Personne ne l'aimait. Vous la connaissiez à peine. Elle a été une martyre, comme elle était une sainte, jusqu'au jour... Vous avez raison. Tuez-moi, René, car toute la faute est à moi, et je suis là de la vie. Il regardait René avec des yeux si pleins de douleur, de prière, de remords, que celui-ci, accablé, alla s'asseoir sur un siège, à l'autre extrémité du salon. « Oui, continua Julien, c'est moi qui suis coupable, moi seul. Elle est un ange. C'est pour cela que je vous suppliais tout à l'heure de ne pas lui causer un chagrin de plus. Moi, je suis là de souffrir. Tuez-moi, mais qu'elle l'ignore. Vous lui direz que j'ai fui comme un lâche devant votre provocation. Elle ne le croira pas, murmura René, rendant malgré lui justice au caractère de Présange. Le silence régna dans le petit salon. Le mouvement d'un balancier de pendule marquait la fuite du temps. Les jeunes gens n'y prenaient pas garde et un long intervalle s'écoula de la sorte. René leva enfin les yeux. Le regard de Julien répondit au sien. « Je pourrais me donner la mort, dit-il, oui, mais elle, ne vous ai-je pas dit qu'elle est assez malheureuse sans ce surcroît de douleur ?» Le jeune comte baissa la tête et réfléchit un moment. « Vous l'avez aimée ?» répéta Julien. « Vous l'aimez encore, vous l'aimerez toujours. Et les années, en éloignant de vous ce moment de crise, vous la rendront de plus en plus chère. Un jour viendra où vous penserez à elle comme à une victime de son temps et de son éducation. Alors vous serez aussi moins sévère pour moi, qui ne serai plus de ce monde, je l'espère du moins, » ajouta-t-il avec un pénible soupir. Le silence retomba sur les têtes pensives de ces deux hommes amis la veille et que rien ne pouvait plus réunir. « Partez, » dit René, « partez, que ni elle, ni moi, ni aucun de nous ne vous revoit jamais. Vous avez raison, elle a assez souffert. » Julien se leva et s'approcha lentement de René qui s'est élevé aussi, prêt à partir. « Vous ne pouvez pas le lui dire, » fit-il à voix basse, « pas maintenant, mais plus tard. Quand les années auront passé sur vous comme sur moi, quand elle sera près de sa dernière heure, au moment de quitter ce monde, dites-lui que je lui demande humblement pardon, que le remords me punira de ma faute, que je la vénère comme mère et comme femme et que... » Sa voix se brisa. Il se tut un moment, puis reprit. « Que je souhaite à ces derniers moments la paix et la joie céleste qu'elle a apportée au chevet de ma mère mourante. » René fit un geste de la main. C'était un geste de pardon, du moins... Julien le comprit ainsi car il joignit les mains avec élan et les yeux des jeunes gens se rencontrèrent, sans haine cette fois de la part de Morez. « Adieu, dit Julien, que Dieu vous protège, vous et votre maison. » René sortit sans prononcer une parole et partit sur le champ. Une heure après, Julien, suivi d'un seul domestique, abandonna pour jamais la maisonnette qu'il avait connue si heureux et si triste et partit pour l'Amérique. Son nom est inscrit au martyrologe parmi ceux qui ont combattu pour l'indépendance sous Lafayette et Rochambeau.